Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, quand tu veux essayer de survivre à une invasion alien, est-ce que tu prends la moutarde ou le ketchup? Ah, ouh, c'est pas intéressant. Moutarde. Moutarde. Moutarde. Allez, moutarde tous les jours. I feel the need. The need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Oui, c'est peut-être un peu trop. Cette bonjour musique. Et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood et je ne sais plus du tout faire les intros. Aujourd'hui, nous allons vous parler de War of the Worlds, film de Steven Spielberg sorti en 2005 où Tom Cruise joue le rôle de Ray Farrier. Wow. Voilà, c'est la catastrophe de l'accent anglais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, épisode où on reprend un peu notre rythme après notre petite incartade maverickienne. Ouais. Mais nous avons quand même, parce que c'est la fête, un invité, notre invité spécialiste Spielberg, celui qui a dit « je fais tous les films de Spielberg », c'est Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour. Bonjour Romaric. Ça va ? Je suis déjà triste parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'est un petit peu la fin. Voilà. Au revoir. Mais on était contents de t'avoir. Voilà. Merci. C'est où la sortie ? Petite question d'habitude, est-ce que vous aviez déjà vu ce film ? Moi, non, pas du tout. Ah ouais ? Non, cool. J'avais pas vu. Moi, bon, j'avais envie. Et toi, Romaric ? Moi, je l'avais vu, oui, au ciné, oui. Et ah pas ouais. Revu depuis. Longtemps ? Depuis longtemps. Ah, depuis la sortie ? Depuis 2005, depuis la sortie, ouais. Ouais, ouais, ah j'avais ouais. Pas revu depuis. Waouh. Ok. Énorme. Et toi, Paulin ? Et moi, je l'avais déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne l'avais pas vu au cinéma. Et c'était un regret, j'aurais bien aimé le voir au cinéma. Ouais, moi aussi. Du coup, j'étais content de le revoir, mais j'aurais préféré le revoir au cinéma, mais c'était pas possible parce que je n'ai pas de cinéma. Dommage. Là, bon, c'était sur mon ordinateur. Bah, on attaque comme d'hab. Ouais. Hein, c'est résumé, Serena, c'est pas compliqué. Non, on c'est a pas dit compliqué, hein, c'est cave 1, voiture, cave 2, bateau 1. Enfin, bref. Allez. C'est un peu plus subtil que ça. Mais alors, bon. Vas-y. Bah, pour la subtilité. On commence avec une image chelou avec des espèces de fils, on dézoome des bactéries, on dézoome une feuille avec une goutte d'eau. Une voix off d'un homme un peu âgé qui dit « Les intelligences d'autres mondes, regardez les humains, nul n'avait imaginé qu'au XXIe siècle, ils auraient attaqué le monde, une espèce de truc comme ça. Genre, ils sont jaloux de notre belle planète et ils préparaient un plan d'attaque. Ah ! Quatre !» Quatre, on est à New York, je crois. Merde, j'ai un doute. On n'est pas dans le New Jersey. Ah, je sais pas. C'est à côté, tu vas dire. Mais... Ouais, c'est vrai, j'avoue, je sais je pas. Je crois que c'est un Newark dans le New Jersey. Non, non, non, non. Ah non, c'est New York. Non, c'est New York. Il y a le plan, de là où il travaille, avec oui. Derrière New York. Oui. Sans les fameuses deux tours. Oui. Ah, intéressant. Oui, mais déjà donc c'est pas à New York, c'est juste à côté. Ah oui, c'est juste New à côté. York. Yes. Ah ben voilà, c'est exact. Ça que moi je. Voilà. Oui. Voilà, c'est la banlieue. Podcast ouais. Premier sur la géo. Bon, on s'arrête pas là. Banlieue de New non. York. Pardon. Et on voit Tom Cruise sur une grue qui déplace des conteneurs dans un port et il descend de la grue, il a fini de travailler, il a un petit dialogue avec son chef et on comprend dans un dialogue de une minute à peu près qu'il est le meilleur dans ce qu'il fait, qu'il comme est d'hab. Trop malin et que tous les filles l'aiment. Allez, comme d'hab. Il prend une grosse bagnole et il rentre chez lui. Il y a une femme enceinte, donc Marianne et son mec Tim, qu'on comprend c'est l'ex-femme de Tom Cruise, qui amène les deux enfants. Il lui laisse les deux enfants pour leurs deux enfants oui. Pour le week-end. Les enfants, c'est Robbie, un ado qui descend de la voiture, il dit même pas bonjour à son père et il se casse. Et une petite gamine qui s'appelle Rachel. Dans la famille, tout le monde commence avec R. Oui. C'est ouf parce que Tom Cruise s'appelle Ray. Sauf Marianne, du coup. Marianne. Bah oui, mais bon, on s'en fout d'elle. On s'en fout. Donc, il lui laisse les enfants. Il rentre dans l'appartement de Tom Cruise. Il est dégueulasse. Il y a des poubelles partout. C'est les bordels. On s'en fout. Il y a un gros moteur sur, le, sur la table à manger. Table à manger. Classique. Classique. Et Marianne, elle lui dit, je te laisse les enfants. Tu t'en occupes bien. Hein. T'inquiète. Qu'est-ce que tu veux que ça arrive dans ces temps-ci? Moi. Bon, Marianne se casse, boum boum boum, avec Tim, les enfants ils restent avec Ray et il se fout dans, dans les canapés, presque il lui parle pas, j'ai l'impression. Bon, ils sont pas très unis dans cette famille. JT, on voit des nouvelles en Ukraine, blackout du pays pour à cause d'une orage oui, un orage magnétique en tout cas chez nous. Bon, on change de la les chaînes, dessin animé. Ah, ah, trop bien. Entre-temps, la famille elle se prend un peu la tête parce que Robbie doit faire un exposé sur je sais pas quelle guerre, il l'a pas fait, du coup Tom Cruise est pas content, mais tu joues pas à faire mon père, il joue au baseball, il se prend la tête. Bon bref. Robbie se casse, Tom Cruise est là en colère, Rachel elle est là, mais aimez-vous s'il vous plaît. Rachel elle regarde à la télé, Tom Cruise elle est en train de dormir et Robbie il est parti. Et elle voit, et on voit une image, pareil encore, orage magnétique, bizarre. Étrange. Étrange. Tom Cruise il revient et dit, mais il est où Robbie? Ah, il a pris ta bagnole et il est parti. Quoi? Il n'a même pas les permis de conduire. Il sort pour aller le chercher et là, on voit les ciels. Il est gris. Il y a un orage de ouf malade qui est en train d'arriver vers, cette banlieue à côté de New York. Et tout le monde, il y a tous les gens dehors qui regardent parce que c'est un peu impressionnant. Et Tom Cruise dit, ah, tiens, viens voir, c'est super joli. On vient de faire des belles photos. Mais c'est bizarre, le vent... Il va vers l'orage. Étrange. Et d'un coup, l'orage commence à péter et pam, gros éclair. Pam, deuxième gros éclair. Rachel a peur. Tom Cruise dit, non, mais t'inquiète, c'est... on est là, on est tranquille. Quatrième éclair, cinquième éclair. Mais il n'y a pas de tonnerre. Elle est où, la tonnerre? Il est où, les tonnerres? Donc, il y a encore des éclairs. Il rentre dans la maison et là, on comprend que ça ne va pas être super fun. Donc, encore éclair, éclair, éclair, éclair. Il rentre dans la maison, plus d'électricité. Étrange. Tom Cruise dit, Rachel, attends-moi ici, je sors. Il sort, il fait tout la balade dans les quartiers, tout le monde est dans la rue, toutes les voitures se sont arrêtées. Et Tom Cruise, il parle, il chatte un peu avec les gens du quartier et il va vers où l'éclair est tombé. Alors, comment il sait où l'éclair est tombé? Je sais pas. Il a une très bonne... il se repère très bien dans ouais, l'espace. Très bien. Ouais. Donc, il va vers là où l'éclair a tombé. Et en effet, il y a un trou un peu dans les bétons. Et tout le monde regarde autour. Et là, crac, crac, crac, crac. Tremblement de terre. Je crois que c'était des biscottes. Non, non, non. C'est les bétons qui commencent à craqueler. Ouais. Après, l'énorme tremblement de terre. Tous les bâtiments s'effondrent. Et là, du gros trou, de la poussière, nuage de poussière, il sort un énorme robot, je sais pas, un énorme truc, avec trois jambes robotiques, avec un œil lumière et avec deux bras, je sais pas comment le bras mécanique. Ouais, un tripode. Un tripode. C'est ce qu'on appelle les tripodes. Voilà. Mais pour l'instant, on sait pas. C'est très grand quand même, c'est très, très plus grand. Haut que tous les immeubles. Voilà, ça fait un gros, gros immeuble. Bon, en gros, c'est la guerre des mondes, quoi. Voilà, c'est les tripodes qui arrivent et qui commencent à tuer, à lancer des lasers qui font que les hommes s'effondrent en poussière, qui deviennent de la poussière. Donc, tout le monde commence à la panique dans la foule. Ouais, tout le monde commence à courir. Tom, il court hyper vite. Il arrive à la maison. Et en fait, là, c'est un peu distant de là où les tripodes ont apparu. Donc, il dit aux enfants, là, il faut partir, il faut se casser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien, prenez tout ce que vous voulez à manger, on y va. Tac, il prend un pistolet dans son tiroir, il prend un carton de bouffe et ils vont dans la rue. Ils font semblant que tout va bien. il voit la voiture et il espère que la voiture, elle marche parce que toutes les voitures se sont arrêtées, on ne sait pas pourquoi. Et il y avait un mécanicien qui réparait une voiture. Il rentre la voiture, ça marche. Donc, il s'est dit, OK, là, je dois me casser. Donc, ils commencent à partir. Et les enfants disent, mais on va où? On va où? C'est les terroristes. Qu'est-ce que c'est? Il dit, non, non, non, non, vous inquiétez pas. On y va, on y va. Chut. Taisez-vous. Et là, les mécaniciens, ils disent, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois la voiture? Arrête-toi, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mani, viens avec nous, monte dans la voiture. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Mani mort. Mani désintégration. Il y a un tripode qui arrive. Mani mort. Donc les enfants, crise de panique. Et Tom Cruise, miaou, il part. Il part sur les routes. Et seul objectif, c'est de se casser de là parce que les tripodes, ils savent qu'ils vont buter tout le monde. Oui, bah, ils sont en train. Donc, a priori, il a compris qu'il y a un faisceau d'indices quand même assez concordant. Que les gens sont en train tous de mourir. Voilà. Et surtout, il veut aller amener les enfants à la mère des enfants. Ah, bah oui, parce que là, mauvais week-end pour avoir les gamins, quoi. Ouais, c'est clair. Tu t'occupes d'eux. Fin du monde, t'as les gamins à gérer. Merci, quoi. Ok. Donc, ils vont aller vers. Boston. Enfin, d'abord, ils vont chez elle. Ils veulent aller chez elle. Ouais, ils vont chez elle. Ils savent qu'elle va à Boston, ouais. Voir les grands-parents ou je sais pas quoi. Bah là, c'est ça, les parents d'elle. Donc, les enfants, ils demandent des questions. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils n'ont pas compris, quoi. Et ils suspectent que c'est des terroristes. Oui, donc... parce qu'il dit, c'est des terroristes. Mais non, ils viennent d'ailleurs. D'Europe? Mais non! T'es con! Donc Tom Cruise il conduit jusqu'à la maison de la mère de Marianne. Mais Marianne et Tim ne sont pas là. Donc ils disent ah mais il y a l'électricité, du coup ça veut dire qu'on est plus ou moins en sécurité, les tripodes sont pas arrivés en gros. Donc ils vont dans les sous-sols et disent bon on est tranquille là, on est dans les sous-sols, très sous-sol bien. Numéro 1. Sous-sol numéro 1. Assez voilà. Luxueux, joli, quand avec même. Avec double sous-sol même. Ouais, très, très, très bien. C'est énorme. Il s'endort et d'un coup, bam, des gros bruits. On voit d'une toute petite fenêtre qui donne sur l'extérieur des gros éclairs. Et on entend un bruit de malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Tom Cruise, il sort, il dit aux enfants, vous restez ici, vous sortez pas. Il sort. Et en fait, un avion, il s'est crashé sur la maison. Donc, il a que des débris des maisons et de l'avion. Mm. Il rencontre des journalistes qui ont survécu à ces bordels eux aussi, qui lui expliquent, non mais vous avez rien compris, là c'est des tripodes, ils sont en train d'envahir partout dans le monde, et surtout c'est des espèces de robots machines géants, mais c'est qui les conduit? Mm. Parce que ces trucs-là, ils sont sortis du sol, mais c'est qui conduit ça? Et ils ont des images, ces journalistes, des éclairs qui tombaient, ces fameux orages magnétiques. Et on voit dans les ralentis une espèce d'être qui rentre sous terre pour... rentrer dans la machine. Voilà, c'est une espèce de, je sais pas, ascenseur ouais, vers les bas. L'éclair l'amène au tripod. Un petit accélérateur. Et là, on entend... Les tripodes arrivent, ouais, tout le monde se casse, non, allez, il faut se casser. Donc Tom Cruise, il va récupérer les enfants, je crois, et il les met dans la voiture et il faut partir. Ouais. On part. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il commence à faire, il s'est dit, il faut traverser Hudson... L'Hudson River. L'Hudson River. Qui amène... Je suis très calé en géo. Qui amène où? Qui amène où? Parce que je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah ouais. En Virginie? Bon, je tente des trucs. Ça va... Non, Boston, ce n'est pas du tout par là. En plus, c'est complètement con. Ouais, enfin, je ne sais pas, c'est toi l'expert. De toute façon, ils vont à Boston. Ils vont à Boston. Donc, il faut prendre un ferry qui amène d'une rive à l'autre. Et Tom Cruise s'est dit, allez, on y va. Il prend la voiture et il commence à prendre que des petites rues. Et Robbie, donc l'enfant ado, lui dit, mais pourquoi tu prends que des petites routes? Personne. Parce que l'autoroute, il est cher. Ouais. Ils ont encore augmenté les prix, ça fait chier. Non, je prends les petites routes. Et puis, il n'y aura pas de contrôle de police, au moins. Non, il dit, il ne faut pas que les gens se rendent compte qu'on a une voiture qui marche. Parce que sinon, on va se faire attaquer. Une meilleure raison. Rachel doit faire pipi. Elle s'arrête pour faire... Ah, cette gamine. Bon, vas-y, on va faire pipi. Donc, elle s'arrête dans un champ. Elle va faire pipi. Elle se retrouve devant une rivière. Oh, c'est joli. La belle au bois dormant, les oiseaux carrés. Ouais, il y a les oiseaux et là, bloum, un cadavre qui flotte dans l'eau. Elle est un peu choquée et là, une flopée de cadavres. Un torrent de cadavres. Un torrent de cadavres. Elle commence à crier. Tom arrive, il lui cache les yeux, il l'amène dans la voiture. Des militaires passent devant la voiture et Robbie dit « Militaire, prenez avec moi, prenez-moi avec vous. S'il vous plaît, je veux combattre, libérez-moi de mon père, en gros. Ouais, » Et Tom Cruise dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Non, mais il faut combattre là, il ne faut pas se cacher, il faut aller là où il y a la bataille. Oui. » Et Tom lui dit « Mais non, mais n'importe quoi, il faut se cacher, allez, tu viens avec moi. » Sachant qu'ils ne savent pas grand-chose hein, sur les batailles, bah, même Robbie, il ne sait rien, il n'a pas vu un tripode, il ne sait pas. Mais non. Donc, ok. Ils vont vers les Hudson Bay, vers ces ferries qui leur permet de dépasser traverser la rivière Hudson. Et ils croisent énormément de gens à pied. Donc ils ralentissent de plus en plus avec la voiture. Et là, les gens ils se rendent compte qu'ils ont la voiture. Ils demandent de monter dans la voiture. Bataille. Il y a un gars il y a plein de gens qui rentrent dans la voiture. Tom et Robbie sortent. Rachel est restée dedans. C'est les bordels. Tom Cruise sort son pistolet. Pam, pam! Silence. Et il y a un autre gars qui sort son pistolet. Donc, Tom Cruise dit « Non, je veux juste récupérer ma fille, s'il vous plaît. Je veux juste récupérer ma fille. » Et du coup, il dit « Ok, d'accord, récupère ta fille. Récupère sa fille. Sort de... » Tout le monde se roule sur la voiture. C'est les bordels. Il s'est tué et tout ça. Tom, il s'échappe avec ses deux enfants. Quand tu dis « Oui, il s'est tué. Bon, ça va. » C'est pas... Un des plus, un des moins. Il y en a eu plein avant. On va pas commencer à compter. Donc, Tom, il prend ses deux enfants et il va pour dépasser cette fameuse rivière. Il va vers le ferry. Oui. Il arrive vers les ferries. Très bien, tout va bien. Tout le monde est plutôt calme. Il y a plein de voyages. Il n'y a pas de soucis. Vous inquiétez pas. Petit arrêt. Parce qu'il y a les barrières des trains qui font bim, bim, bim, bim. Donc, ils s'arrêtent. Ils sont là, là, là, là, là, là, on chatte. Et là, blam, un train enflammé passe devant leurs yeux. Mauvais présage. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Donc, ding, ding, ding, ding, ding. Ils peuvent repasser. Ils vont devant les ferries. C'est génial. Ils vont devant les ferries. Et là, Rachel regarde et dit... Et regarde derrière elle, sur les collines juste derrière, elle dit « Les arbres sont bizarres. » Il y a des arbres qui commencent à tomber. Et là, un énorme tripode arrive. Tout le monde panique. Tout le monde veut monter sur les ferries. Les gens du ferry disent « Non, on y va, on y va, on y va. » Donc, ils arrêtent les ponts pour faire monter les gens. Tom Cruise et ses deux enfants, ils arrivent à monter sur les ferries. Et les autres restent derrière. En fait, on les abandonne. C'est la panique, c'est angoissant, c'est horrible. Il y a des gens qui grimpent, qui s'accrochent, qui tombent à l'eau. C'est horrible. Donc, ils sont partis sur les ferries. Les ferries avancent, ouais, mais en là, fait... C'est iceberg droit devant, mais on n'est pas loin quand même. Tornade droit devant, parce qu'il y a un énorme tornade dans l'eau. J'imagine que c'est un... siphon, enfin un espèce de tourbillon, je sais pas quoi. Tourbillon dans l'eau. Ouais, j'imagine qu'il y a un tripode qui va sortir de là. Ah bah c'est... C'est ça? C'est un tripode qui sort de là. Oui, voilà, je me rappelle plus. Ouais, c'est un tripode qui renverse donc... Oui, donc les ferries se renversent. Tripode droit devant, du coup. Ouais. Donc les ferries se renversent, tout le monde tombe dans l'eau. Il y a énormément de gens qui étaient dans la voiture. Dans les ferries qui coulent avec leur voiture sur une... L'orchestre ne jouait plus. Non. Il n'y avait pas assez de canaux et la planche était trop petite. Donc, voilà. Donc tout le monde coule dans l'eau. Tom Cruise récupère ses deux enfants. Ils arrivent à la rive. Ils sont à la rive. Donc tout le monde marche vers un endroit et Robbie veut aller vers les tripodes, tu vois. Oui, parce qu'il y a tous les militaires qui arrivent, l'armée arrive. Qui montent la colline et on voit que derrière, c'est bagarre. C'est la guerre. Et Robbie, il essaie d'aller. Tom lui dit « Non, Robbie, arrête, arrête, arrête. » Il laisse Rachel à un arbre. Il dit « Robbie, comme un chien. Ne pars pas. Attends, je mets la laisse. Tu m'attends ici, Rachel, d'accord ? Robbie, ne pars pas. » Et Robbie dit « Non, mais moi, je dois combattre. Je veux combattre. » Il dit « Je sais que tu as l'impression que tu veux combattre, mais tu ne dois pas faire ça. Je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. » Et Robbie dit « Tu dois me laisser aller. » Et entre-temps, Rachel, elle est en train de se faire kidnapper par deux adultes gentils, mais bon, qui lui disent « Viens avec nous ». On a l'impression qu'elle est abandonnée. Hein. C'est ouais. C'est un kidnapping. Ouais, c'est pas les trucs violents, méchants. Donc, Tom Cruise s'est dit, il lâche Robbie, malheureusement. Robbie va vers la colline, il va récupérer Rachel. « Je suis son père, je suis son père ». Et Robbie, il va derrière la colline et pff, énorme explosion. Robbie. Ah, ça, on sait pas. Bah, bon. Rachel. C'est quand même une énorme explosion. Oui, énorme voilà. Explosion. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Mais Tom Cruise, il pleure un peu. Tu vois, il regarde un peu en mode mon fils. Il prend Rachel, il commence à courir parce que les tripodes arrivent derrière. Et il y a un gars qui oui. sort d'un sous-sol avec un fusil à la main. Les mecs pas rassurants du tout. Qui dit par ici. Ouais, c'est chelou, le mec il pointe son flingue. Ouais, venez, venez. Wow, ok, okay. Allons-y. Tiens, cet homme qui a l'air d'être un psychopathe, allons dans sa cave. Non, mais cave avec numéro 2. Capuche, trop chelou. Par ici, les gars. Ok, on arrive. Donc, ouais. Tom Cruise et la gamine rentrent dans les sous-sols de ces gars. Sous-sol dégueulasse, ouais, avec ouais. De plinges partout, moisissures, il est sombre, il est humide, on sent le truc aiuto, à l'aide. il se cache, donc le gars, il est plutôt sympa, il dit, bon, si tu veux, j'ai de l'alcool, on peut boire ah oui, de l'alcool. Pêche. De la crotte de pêche, un truc dégueu, mais qui fait l'affaire, quoi. Ben, et il explique qu'il a perdu toute sa famille, que voilà, ils peuvent rester autant qu'ils veulent. Voilà, c'est un sous-sol. Ils payeront même pas de loyer. Voilà. A priori, très, le deal gentil, a l'air cool. Lui. Peut-être les fluides. Je sais pas. Donc il dit bah de toute façon là c'est vu les attaques c'est même plus une guerre c'est une extermination parce que là ils ont gagné les tripodes mais ils sont en train de tuer tout le monde donc il faut se cacher. Là, il faudra oui, se battre. Il fait une analogie c'est comme si c'était il se battait contre des vers de terre, quoi. En gros, il n'y a pas le choix, c'est se faire détruire. Ouais, c'est bon, c'est fini. Donc, pendant qu'ils sont dans ces sous-sols, les tripodes attaquent. Les tripodes attaquent. Non, attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Si, il y a d'abord une attaque des tripodes qui voit, et les gars, ils disent, non, mais les tripodes, ils ont un point faible, on peut les détruire. Je sais qu'à Osaka, ils en ont tué un. Et t'es là, mais comment ils savent les mecs qu'il y a Osaka? Non, mais... il dit, on va combattre. C'est fake news, simple. Ouais. Et Ray, donc les gars, ils disent, on va combattre. Et Ray, il dit, non, il ne faut pas, surtout pas combattre. T'as vu les machins? Bon. Il faut se cacher. Ils ne sont pas d'accord. Mais bon, c'est encore cool. Et après, un matin, les gars, ils parlent avec Rachel. Et là, c'est chelou quand ouais. même. Avec ouais. la fille, il lui dit, bah, si tu sais, si se passe un truc avec ton père, moi, je serai... Je te protégerai. Je te protégerai. Et là, il dit, ouais. Viens ici, Rachel. Tu ne parles pas, ma fille, mec. Bon, chez Lou. Il dort. Bonne nuit. Rachel, de toute façon, là, elle est déjà psycho, PLS, ah oui, plus. Je l'ai vu, je ne sais pas comment elle est morte. Elle subit cette violence. Elle ne sait plus rien. Donc, elle dort. Elle essaie de s'endormir. Et il y a une espèce de... Alors là, pour le décrire, c'est chaud. Un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage. Avec robot, une caméra au bout. Comme un... Oui, un robot qui est un serpent avec une caméra au bout qui a un peu un œil, qui s'éclaire et qui inspecte les lieux. Donc, ils viennent dans les sous-sols et eux, ils se cachent pour ne pas se faire voir. Ah, c'est comme une caméra de coloscopie. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Exact. Les trucs... Bon, faut être précis un peu. Voilà. Donc, ils se cachent. Le gars, il a une machette, il veut défoncer la caméra serpent coloscopie. et Tom Cruise, il dit non. Ne fais rien, parce qu'on ne va pas gagner, il faut qu'on se cache. Et ils arrivent à se cacher quand même. Oui. Donc, très bien, tout va bien. L'œil s'en va. Ils regardent dehors. Et en fait, il y a un truc chelou. Il commence à y avoir des espèces de racines, comment, des poulpes rouges, des racines oui, rouges. Il y a des trucs poussés un peu partout. Qui commencent à envahir un peu l'espace. Il regarde un peu dehors et on voit les tripodes qui attrapent des hommes. L'homme rentre dedans et après il y a une espèce de vaporisation de sang oui, humain. Ouais. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi. Bah, a priori, ils prennent le sang des humains pour faire pousser leurs racines chez l'eau. Pour coloniser, pour transformer la végétation voilà. terrestre. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu chelou, mais en tout cas c'est effrayant. Donc Tom Cruise se regarde ça et dit oh mon Dieu. L'autre gars il voit ça, il perd la boule ouais. et il dit non là moi je veux pas devenir fertilisant pour ces connards. Je creuse mon tunnel. Il commence à crier, faire de bruit et tout. Et Tom Cruise il dit non il faut que tu te calmes, calme-toi, reviens. Il revient pas. Il psychote, donc il va parler à Rachel, il lui met un bandeau sur les yeux, il lui dit de chanter une chanson, de se couvrir les oreilles, et en gros, il s'enferme avec la voiture, avec l'autre, dans la voiture, n'importe quoi, dans la cave avec l'autre gars, et le but. A priori. On imagine. Ah, a priori, oui. Oui, parce qu'il commençait à être dangereux. Et il commençait ouais. à être psycho. Donc, il reste, Tom Cruise et la petite fille. Tom Cruise, il est trop mal d'avoir tué l'autre homme. La petite fille va vers... Donc, Rachel va... vers lui, il s'enlace et s'endort. Ah, un petit moment de paix. Ah, mais non, comment ça? Rachel ouvre les yeux et devant elle, une énorme caméra colonoscopie, œil, serpent, machin, la voit. Donc elle crie. Cette gamine, elle crie très très bien. Oui, elle est très forte. Oui. Elle crie, donc elle commence à courir. Tom se réveille. Oh non, ma fille, ma fille. Il prend la machette, il essaie de défoncer le... La coloscopie. Il n'y arrive pas. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié, mais il y avait des aliens qui sont entrés aussi. Avant, ils sont venus inspecter. Oui, quand même. Oui, c'est vrai. Il y a des aliens. Oui, parce qu'on les voit pour la première fois, là, les vrais aliens, juste pas avant, les robots. Hein. Ouais. Ils rentrent dans la, dans les sous-sols et cherchent des photos. Ils regardent des photos. Ils essayent de comprendre la civilisation humaine, peut-être. Et c'est des aliens qui ressemblent un peu aux tripodes, mais un peu à la chelou. Version moins machine, plus organique. Moins machine, oui. Plus organique, mais voilà. Petits, un peu, ils sont pas très grands. Ils sont pas très grands. Ils font la taille d'un gros ragondin, en gros. Ils ont l'air mignons, un peu. Ouais, wow. Un peu. Si, ils ont des petits yeux brillants, ouais, tout ça. Ouais, avec un énorme crâne, mais bizarre. Et ils sont devant les photos, comme ça. Des tout petits bras. Et ils regardent les photos, bizarre. Et ils s'en vont, il entend des bruits, il essaie de voir s'il y avait les humains, ils se cachent bien, bon, ils sont partis. Voilà, juste. Parce que c'est à peu près le seul moment où on voit les aliens. Oui. Il y a un autre moment. Donc, après, voilà, l'œil machin, Rachel crie, Tom Cruise essaie de... Il casse l'œil qui se casse. Du coup, je sais plus comment, mais Rachel est capturée. Je crois par un tripode d'ailleurs. Oui. Donc Tom Cruise il sort, les tripodes il va vers lui, il va vers la voiture, il y a des grenades dans la voiture, il en prend une, il la tire vers les tripodes et là on voit qu'en fait les tripodes ils ont des espèces de boucliers invisibles, donc la grenade elle explose à l'extérieur, donc ça sert à rien. Les tripodes ils rattrapent Tom. Ils rattrapent Rachel d'abord, ils rattrapent Tom et en fait on voit il les amène dans des espèces de prisons suspendues où il y a plein d'humains. Oui, ils ont des petits sacs sous les tripodes. C'est trop bizarre. Avec les gens dedans. C'est hyper difficile. Un petit garde-manger. Un petit garde-manger. C'est un sac à dos. Et de temps en temps, il y a un truc chelou qui sort du tripode, qui récupère un être humain, qui crie et le tue et projette. On ne sait pas ce qu'il fait avec. Oui, le tue et projette du sang. Il fait du round-up. Donc, voilà. Rachel. Heureusement, ils sont dans la même prison. Rachel, il va récupérer Rachel et là, clac, il y a les tripodes qui chopent Tom Cruise pour le bouffer. Tom Cruise, il monte, il prend les bombes, les grenades qu'il avait, il prend sa ceinture. Et là, il y a un gars qui dit non, basta, il rattrape Tom et dit on tire. Et tous les êtres humains, dans une communion d'efforts et grâce à la force collective, ils tirent Tom. Tom, ils arrivent à gagner sur la force du tripode, il le descend. Et là, Tom, il a dans sa bouche, il a le... Les deux goupilles. Il découpille la grenade et il a goupille. Les goupilles. Deux goupilles. Donc, tous au sol. Grosse explosion, les tripodes, ils oscillent, ils tombent. Les cages, elles tombent de je sais pas combien de mètres, ils sont tous vivants dedans, c'est cool. C'est bien vu. Ils récupèrent Rachel et tout. Et ils sont libérés. C'est inversé, c'est un verre. C'est la folie, un verre d'eau. Pardon. Oups. Bon, et ils sont sauvés. Ils marchent en un espèce de cat où on les voit les lendemains, j'imagine, qu'ils marchent, ils voient l'armée. Il marche. Et en fait, Tom Cruise se rend compte que les racines, elles sont plus... Elles sont sèches. Elles sont sèches. Elles blanchent. Elles commencent à blanchir. Donc, on imagine que ça va moins bien pour les tripodes. Il y a quelques tripodes qui s'est cassé la gueule dans les paysages. Ils se sont cassés sur les bâtiments. Oui, il y en a deux, trois qui bougent plus. Donc, Tom Cruise demande à l'armée, mais qu'est-ce qui s'est passé, les tripodes, vous les avez tués? Non, d'un coup, ils ont arrêté de fonctionner. Nous, on n'a rien fait. OK, donc ils marchent. Là, à un moment, il y a une attaque des tripodes, tous dans les tunnels et tout. Et Tom Cruise, il voit que des oiseaux se pose sur les tripodes. Donc il attaque les tripodes. Il dit à l'armée, regardez, regardez les oiseaux, les tripodes n'ont plus de bouclier. Il faut attaquer. Donc l'armée dit, oui, merci, monsieur Tom. Merci, monsieur Cruz. Bam, bam, bam, bam. Il tue les tripodes. Et là, on comprend, en gros, c'est un peu la fin. Ouais. On comprend que Tom Cruise, il arrive dans la maison, enfin, à Boston, où il y a son ex-femme, le mari et les grands-parents, qui sont là. Eux, ils ont rien vécu, quoi. Leur maison, elle est intacte. Ils sont super beaux, super propres, super clean. Est-ce qu'on serait pas sur une fin à la Spielberg, là? Tom arrive, genre, enceint, avec de la poussière de partout, avec la gamine traumatisée à vie. Eux, ils sont tranquilles, pépouses. Et qui est là? Robbie, l'enfant ado. Qu'on sait pas trop. Il voit Tom, il s'enlace, trop bien. La gamine, elle voit enfin sa mère. Fait maman! Bon, c'est, voilà, happy end. Et on entend la voix off qui explique. Et oui, parce que les aliens, dès qu'ils sont arrivés sur notre Terre, et ils étaient condamnés. Parce que c'est les bactéries, donc ces êtres les plus petits que Dieu a mis sur notre Terre. C'est trop bizarre qu'ils disent ça, mais... Ils n'ont pas résisté à ça. Ils n'ont pas résisté aux bactéries, que l'homme a gagné son immunité aux forces des milliers d'années sur lesquelles... Avec l'évolution, il a réussi à gagner son immunité. Du coup, elle a les droits de vivre sur cette Terre. Il n'y a pas de mort inutile. Fin du film. C'était un peu... Bravo, merci. Bravo. C'est un peu long, désolé. Ouais, non, c'est parfait. Avant de parler du film, on se fait un petit extrait. Nous allons parler coloscopie, du coup. Petite cache-cache géante avec la coloscopie. Allez, go. Donc, il y a le... Attention. Ah oui, je vais pas le faire parce qu'il ne s'est pas repéré. Il allume la lumière. L'œil coloscopie allume la lumière. Parti. Cache-cache. Rachel est cachée derrière une toile d'araignée. Ça marche pas. Tommy, il est caché derrière un canapé. Ça marche mieux. Ça marche mieux. Ah, pour l'instant, ça se passe bien. Ouh là là là là là là. L'œil, il tourne. Rachel est avec un regard de PLS++. Oh là là. Le regard autour, il faut un rat. T'es une souris, tout va bien. Tommy se déplace. Et c'est bien, c'est que sur le sol, il y a plein de feuilles, il y a plein de trucs qui devraient faire du bruit, mais qui n'en font pas. Ah oui, c'est pas pratique. Pas hein. Ouais, trop bien. C'est cool. Donc Tom, il voit Rachel qui est cachée de l'autre côté. Elle traverse. Ah, ça y est. Ah, merci. Ça y est. Eh bien, ça se passe tout bien. Pour l'instant, c'est cool. L'œil. Regarde une poutre. Bah, ça doit être assez exotique pour eux, quand même, une poutre, t'imagines? Donc, tiens, le cache-cache continue. Ouais. Hop, on passe de l'autre côté. Oula. Ah. Ah. Qu'est-ce? L'œil regarde un mur. Ah, de la brique. Ça, c'est original. Ah, ça, c'est original. Et regarde aussi. Bah, il regarde les rideaux. Les rideaux. Il fait tous les tours du sous-sol. Moi, je pense qu'il prend les mesures pour louer la cave. Il y a une machette. Autre gars, il prend la machette. Et Tom, il est en face de l'autre gars. Et là... Ils sont face à face et au milieu, il y a le tuyau. Et Tim Robbins, il veut casser le tuyau. Il lève son bras. Attention. Tom, il dit non. Il dit rien. Il fait des gestes de non. La biale. Ah oui. Oh. Il le prie. Et le gars dit, mais oui, je peux le tuer. Enfin, tu vois, c'est un tuyau, hein, c'est pas... Viens vers moi. Viens avec moi. Viens ici. Ça va bien se passer. Donc, il passe dessous. Ça, c'est osé, quand même. Ça, c'est osé. En plus, il est pas très... Il marche dans une plaque. Et voilà, il touche un verre. Allez. Bon, là, du coup, court. Il sait quoi? Comment on se cache? On se met dans un coin. Comment on se cache? Qu'est-ce qu'il prend? On va mettre un miroir. Miroir. Tiens, c'est marrant, je ne connais pas cette caméra coloscopique. La caméra se reconnaît dans le miroir ou pas? Ben, je sais pas, ça. Ça c'est après, c'est les extraterrestres dans leur cockpit qui doivent voir là. Ah, ben oui, bien sûr. Oui. Et donc là, ils sont cachés derrière le miroir. Et là... Et le tuyau, la caméra, regarde. Non, elle regarde. Elle regarde en haut. Il pense pas regarder derrière. Ben non, parce que... Après, ils sont pas les mêmes codes, hein. On peut pas trop comparer, c'est compliqué. Donc la caméra, elle s'en va. Ah. Et Rachel... Ouais, elle lâche la jambe. Elle lâche sa jambe. Donc la caméra, elle revient. Elle voit la chaussure. Elle voit la chaussure. Voilà, c'est mort. Voilà, c'est mort. Hein. C'est mort. Dire, c'est mort. C'est mort. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Non. Il n'y a pas de sortie. Comment ils ont fait? Regarde la chaussure, on voit la chaussure. Et il y a qui la chaussure. C'est trop fort. Ils sont forts, hein. Eh oui. Le coup de la chaussure. Les coups de la disparition, c'est trop bizarre, quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Bah, allez-y. Romaric. Ok, j'y vais. Allez, vas-y. Il est bien. Il est bien. Moi, j'ai bien aimé. Et en même temps, c'est toujours un peu ça, j'ai l'impression, là. Il faut préciser là. Parce ouais. Que... Ouais. Alors. Un peu d'infos. Ouais. Par exemple, cette séquence, bon, elle est un peu, pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux plein de fois. Mm. Plein de fois, quand même, vraiment. Mais c'est vraiment bien mis en scène, quoi. Ouais. Dans plein d'endroits. Ouais. Et Tom Cruise dedans, il joue bien quand même. on en parle après de Tom Cruise. Pardon. Non, mais en fait, je sais pas comment commencer. Mais en tout cas, il m'a laissé quelque chose de. J'ai bien aimé, mais je me pose plein de questions. Ah. Mais quelles questions, par exemple? Sur la manière de. Principalement sur les choix des étapes, un peu, si on résume, avec grotte 1, grotte 2, ça me fait un peu bizarre quand même. D'accord. Ok. Voilà, ouais. Et puis, vu que je l'ai revu tardivement, la fin m'a laissé quand même un goût étrange, quoi. Bah la fin, c'est vrai que souvent c'est ce qui est critiqué, la fin un peu abrupte de bah en fait ils sont morts parce qu'il y avait des bactéries. Mais le vrai problème de la fin, c'est cette voix off en fait. Moi la fin, enfin dans le bouquin c'est ça en plus, la fin c'est vraiment les aliens en fait ils ont pas survécu parce que les bactéries les ont tués quoi. Mais ce qui est vraiment problématique je trouve dans le Spielberg, c'est vraiment ça, c'est cette voix off de fin qui part des dieux ou pas. Ouais voilà, c'est ce truc là où tu dis bah non, ça c'est bizarre par contre. C'est parce que surtout par rapport à. Enfin, à tout le film où il est vraiment à hauteur d'homme par rapport à d'autres adaptations de La Guerre des Mondes, tu vois finalement très peu le conflit. Tu le vois, il est toujours loin, il est derrière une colline, il est un peu loin. Et puis là, il prend le parti pris dès le début d'avoir ses personnages et de ne suivre que ses personnages et de voir à cette hauteur-là. Donc des personnages qui sont impuissants, qui vont fuir juste, puisque a priori en temps de guerre, 99% des gens ils vont fuir en fait. Hein. Tout le monde ne va pas aller au combat, c'est pas Independence Day, quoi. C'est vraiment l'anti-Independence Day. Et du coup, moi, je trouve ça chouette quoi, d'être tout le temps à la hauteur de ce personnage-là. Donc, tu sais pas tout non plus, tu vois pas grand-chose, en fait. Mmh. Et lui, il a juste vu un truc au début. Il sait que c'est dangereux, il n'en sait pas plus. Il sait pas pourquoi ils sont venus là, etc. Et il veut juste protéger ses enfants et courir et se cacher. Donc, il y a plein d'infos toute l'histoire de l'invasion, etc. se passe. Mais nous, on voit quasiment pas grand-chose, quoi. Juste par des bribes. On est que sur les mouvements de foule, sur les réactions des uns des autres. Après, c'est le film post-11 septembre de Spielberg ultime, quoi. Il est vraiment... Ouais. Il parle vraiment de ça, quoi. Ah ouais, même dans l'esthétique. J'ai même pas pensé, moi, ça. Ah, mais à fond. Oui. Dans l'esthétique de la fuite, de la poussière aussi. Tu sais, ils sont tous pleins de poussière et t'as vraiment ces images. Image là quoi. Ouais, dans le traitement aussi de faire le truc avec vraiment caméra, enfin shaky cam pas mal et un petit côté un peu reportage, voire même il y a le truc de, il y a une scène avec un mec qui filme avec son caméscope aussi. Oui. Enfin tu vois, t'as tout ce truc là et vraiment d'avoir réécrit, réadapté la Guerre des Mondes sur ça en se concentrant sur les réactions humaines classiques quoi. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est ça qui est fort dans ce film-là, je crois. Oui. Plus que l'intro voix off, qui, pour moi, je trouve, colle pas trop, parce que du coup, ça, c'est une espèce de mettre un truc comme si c'était une fable, etc. Et que c'était un truc une conclusion irrévocable et un truc divin presque, du coup. Tu vois, ça flirte quand même vachement avec ce truc-là. Alors qu'en fait, justement, on est sur une expérience très, très humaine et de survie. Et ça suffit, en fait, d'avoir cette introduction et cette conclusion. C'est un peu bizarre, je trouve. Ouais. Parce que l'invasion, c'est le prétexte, en fait, pour parler de ça. C'est, ouais, de cette réaction humaine et de ce besoin de se protéger. Donc, bon. Ouais. C'est vrai que dans le côté blockbuster, quand même, parce que c'est quand même, il est sorti comme ça, c'est quand même un Spielberg, donc du coup, ça reste quand même dans ce registre-là. Un blockbuster où en fait tu suis un personnage qui est pas vraiment un héros, même s'il a des petits trucs des fois où etc. Mais bon, c'est des petits passages. Et où le leitmotiv c'est fuir et te faire te sentir un peu, complètement impuissant par rapport à tout ça. Ben, j'en ai pas d'autres en tête, en fait, par exemple. Puis en plus, ce qui est forcément le cas, puisque c'est ce qu'il dit à un moment Tim Robbins dans la cave, il dit ils viennent nous exterminer, on peut rien faire, en fait. Voilà. Donc, c'est logique d'avoir ce truc-là, d'être sur cette vision-là. Ah, moi, j'aime bien, j'aime bien le... Et toi, du coup, qui l'avais pas vu avant? En fait, j'ai passé un bon moment. Je m'attendais pire, je m'attendais vraiment à les trucs, c'est nul. Et en fait, j'ai bien aimé. Bah, les débuts, je trouve assez réussi aussi, avec toutes les bribes. En fait, on sent cette chose qui arrive, la catastrophe qui arrive. Mais les personnages, ils sont tellement dans leurs problématiques quotidiennes qu'ils ne se rendent pas compte. Ouais. Et ça, c'est, en tant que spectateur, c'est très agréable de voir. Ah mince, l'orage magnétique ou les trucs ou les tremblements de terre, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Tant c'est plus toi, mais eux, ils ne savent pas tant. Et j'aime bien la problématique fuite, donc en combat ou en fuit, et qu'est-ce qu'on fait et tout, j'ai bien aimé. Ouais. Et j'aimais bien, si les fils il était mort au moment où il devait mourir, j'aimais bien aussi le fait qu'il ne soit pas réconcilié. Je trouvais assez juste que un mec qui se sauve, mais il n'est pas si génial que ça, j'aime bien les côtés. Bon, il a un peu des pitiés humaines, mais en réalité, c'est un peu un petit con. Ouais. Et j'aime bien que c'est pas les super-héros trop empathiques qui se sauvent, tu vois. Ouais, ouais. Qui, au contraire, n'est pas du tout... Bah, il s'occupe de ses enfants, mais il est pas empathique envers les autres. Tu vois, il pense à sa gueule. Et je trouve ça très juste. Oui, oui. Et puis, c'est... Il le découvre, ça, en fait, qu'il doit se... Enfin, c'est vraiment l'instinct de survie. Parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi agréable, c'est que dès le début, ils introduisent les personnages et les relations en très peu de temps. Ouais. On a la menace au fond, mais qui est vraiment très, très lointaine. Ouais. Mais on a très vite compris que c'est un mec qui s'occupe très, très mal de ses enfants, qui bingouille dans son quartier, etc. Mais c'est tout. Et qui va découvrir, par la force des choses, en fait, comment s'occuper de ses enfants, et qu'en fait, ça doit être réciproque, enfin, il faut qu'il y ait un respect réciproque et qu'il le fasse. Et même avec la fille, la jeune fille, tu vois, il le fait pas tant que ça. Ouais, ouais. Et il est pas un bon père, même, tu vois, ils sont pas en train de nous peindre le portrait du père idéal dans un moment des crises, qui se comportera super bien, tu vois. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, t'es vraiment sur un personnage qui est pas un héros. Et c'est pour ça qu'il y a notamment le moment de la grenade qui est un peu bizarre, parce que c'est vraiment un truc hyper héroïque. Oui, oui. Mais vraiment excessif, tu vois. Alors qu'en plus, on vient de passer juste avant la scène où il va tuer Tim Robbins pour protéger sa fille, en fait, parce qu'il a peur. Ouais. Tu sais même pas si c'est une bonne décision ou pas, si le mec il allait vraiment dégoupiller, mais enfin, en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il a réglé cette situation-là. Ouais. Et après, tout d'un coup, un truc vraiment ultra héroïque. Il va se sacrifier pour se faire capturer. Et ça, cette scène-là, moi, je trouve qu'elle est bizarre, du coup, dans le personnage et tout. C'est vrai. J'ai pas l'impression qu'il se sacrifie vraiment, quand même. Il a juste pas de chance, quoi. Il va sauver sa fille, il se fait attraper. Et tu vois, il a peur que... C'est encore une fois, il va essayer de sauver sa fille, il se fait attraper, et là, presque le hasard fait que le meilleur moyen pour lui de s'en sortir, c'est de récupérer ses grenades. Il y a, en effet, pour nous, il y a quand même un côté héroïque, mais c'est pas, il n'a pas choisi de se faire attraper, quoi. Ouais. Tu vois, enfin, en tout cas, j'ai pas vu ça. Non. Mais c'est vrai qu'il y a tout un truc héroïque, et encore, les plus héroïques dans l'histoire, au final, c'est même pas lui, c'est les gens qui vont le sauver, quoi. Clairement. L'autre gars qui est... C'est quand même un mec de l'armée, d'ailleurs. C'est un militaire qui le sauve. Ouais, après, si je peux faire un petit truc, l'histoire que les tripodes, parce que je ne l'ai pas dit, mais il sous-entend que les tripodes, ils ont été implanté dans la Terre il y a des millions d'années, oui. que la Terre a grandi et qu'ils ont passé leur plan génialissime pour récupérer la Terre. Oui. Donc, ils auraient pu au moins faire des analyses de l'air ambiant. Ouais. Mais ils auraient pu juste la dominer tout de suite. Si il y avait personne sur la Terre. Ouais, peut-être qu'ils attendaient qu'il y ait du monde. Bah, ils attendaient qu'il y ait des humains, puisqu'apparemment les humains sont nécessaires à quelque chose pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils savaient pour mettre... Ils en savaient qu'il y avait les humains. Bah, peut-être qu'il y avait quelques bribes d'humanité. Ou machin, ils se sont dit il nous en faut plus, parce que si on veut faire nos champs d'algues rouges, là, il nous faut du matos. Ouais, bof. Bon, après, je pense, mais comme depuis le bouquin et tout ça, la guerre des mondes, les aliens, c'est un prétexte pour parler de ça, quoi, d'un truc qui dépasse et qui fait que t'as des mouvements de foule, que t'as que t'es face à un conflit que tu peux pas gagner, qui est impossible à gagner, quoi. Et qui, du coup, là, pour l'adaptation par rapport au 11 septembre, c'est hyper intéressant. C'est le truc où, en fait, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment ça se comporte, ça peut tomber partout et du coup, tu es impuissant, quoi. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé hyper bien dedans et qui m'a un peu dérangé aussi, c'est le traitement du personnage de Cruise, quoi. Après, c'est Tom Cruise, donc je pense qu'il faut qu'il ait un peu de ça parce que c'est des trucs qu'on retrouve dans tous ses persos. Mais bon, voilà, est-ce que c'est nécessaire pour nous, vu que lui, enfin Spielberg, j'ai l'impression quand même qu'il nous montre l'impuissance, vraiment, le fait de fuir et tout. Et donc là, il y a un contraste avec son personnage principal qui m'a laissé un peu perplexe, quoi. Le personnage principal qui sait un peu, qui est trop fort, comme tu disais au début, là. Ensuite, qui sait un peu comment réparer une voiture, la seule et unique voiture qui va pouvoir rouler, donc il est un peu à l'origine de ça. Il sait aussi, c'est lui qui arrive à avoir la grenade, donc c'est... Il y a plein d'autres trucs après dans le film. Moi, à chaque fois, c'est un peu... Ben voilà, c'est lui qui arrive à se dire « Tiens, c'est marrant, le vent ne va pas dans le sens de l'orage, des éclairs. » Ou alors... il va dans le sens, justement. Ou alors « Tiens, je vais regarder les oiseaux. » Ce truc-là, qui fait peut-être un peu... qui fait des blockbusters au final, c'est un peu ça qui me dérange un peu. Et dans le film, c'est ce truc-là là, où t'as vraiment envie d'aller dans cette logique de ben ouais, c'est pas possible, donc c'est bien de suivre un personnage et te dire que ben, c'est la merde, quoi, tout du long. Mais il a quand même un côté plus fort que tout le monde, qui, moi, au fur et à mesure, ben voilà, quoi, c'est un peu... Ouais, ça reste une écriture scénaristique assez classique, dans le sens où t'as un personnage et ça va passer quasiment tout par lui parce que c'est plus pratique à écrire que... Voilà. Oui. C'est clair. Hein. Bah, après, c'est une écriture c'est de Spielberg et toute la clique. Et puis, c'est un blockbuster d'été, ce que tu disais, quoi. Après, pour un blockbuster d'été, il y a quand même des trucs... Il y a des pas de côté, quoi, qui sont hyper intéressants, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on... il est quand même... après, c'est lui qui a survécu et toute sa famille a survécu et pas les autres. Donc forcément, il devait avoir un truc. Après, ça peut aussi être pris comme là, on a suivi ce personnage-là, mais cette histoire-là, ça se trouve, elle existe partout dans le monde. En fait, il y a eu plein d'autres personnages qui ont eu ce truc-là. Ouais. Enfin, qui ont eu des parcours plus ou moins partagés avec les uns les autres. Enfin, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, en effet. Oui. Parce que, il pourrait très bien, n'importe qui aurait pu avoir les mêmes idées pour la grenade. Ouais, mais peut-être que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Peut-être qu'au Japon, c'est ça qui est arrivé. Tu vois, on ne sait jamais. Un avion, il s'est crashé sur ta baraque qui était dans les sous-sols. Tu es mort, je pense. Alors, autant en géographie, ça va, mais là, en physique des avions, je ne saurais pas dire. Les poids des ouf qui s'échouent sur ta baraque, je pense que les sous-sols, ils te tombent sur la gueule. Ouais, peut-être qu'elle était très bien construite. Bref. On n'est pas là pour ces broutilles. Est-ce que vous voulez des anecdotes à la... Oui. J'en ai pas trouvé beaucoup. Parce que balance. Le film a été fait quand même avec beaucoup de secrets autour. Du coup, c'est pas foufou ce que j'ai comme... J'ai juste vu que sur la production, il y a un moment où t'as tout le monde dans la rue, il y a beaucoup de figurants. Et ils photographient les trucs, etc. Et en fait, ils avaient fait venir les gens en disant « Ouais, mais venez vous prendre des photos, comme ça vous aurez des photos gratos de Tom Cruise. » Et comme ça permettait d'éviter les figurants qui prennent des photos. Là, ça allait dans la scène, donc trop bien. Tu peux t'en sortir. Ah, trop bien. Parce qu'il y a énormément de figurants partout dans tout le film. Ça, ah, bah ouais, ça c'est là, ouf. C'est ça qui est. Il y a un côté, ça fait péplum, tu vois, le truc tellement. Mais quand ils sont sur la colline et tout, c'est complètement dingue. Ça marche trop bien. Et même toutes les scènes, chaque séquence, c'est vraiment un film. C'est vraiment, il y a du décor. Tu sens vraiment qu'il y a du gros décor, même s'il y a toujours une présence de. Enfin, j'imagine de fond vert pour faire le fond, quoi. Mais t'as quand même un gros décor, le décor de l'avion crashé. Quand ils sortent de la deuxième grotte là où t'as tout le truc, t'as vraiment l'impression. Mais alors après, la production du film est hyper marrante parce qu'il s'est fait hyper vite le film. En fait, en gros, en 2004, Spielberg et Tom Cruise, ils se rencontrent dans les années début 2000, enfin fin 90-2000, et ils décident qu'ils vont faire un film. Ils font Minority Report et ils disent le prochain, ce sera La Guerre des Mondes. Et en fait, en 2004. Les studios disent c'est bon, ça part en prod, c'est parti quoi. Et en fait, ils se sont démerdés. Spielberg a décalé le tournage de Munich, Tom Cruise décale le tournage de Mission Impossible, mais en fait, ils ont très peu de temps quoi. Wow. Donc, ils ont tourné le film en 72 jours, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pour un truc comme ça, c'est énorme. Et il y avait déjà les effets spéciaux qui commençaient en même temps en fait. Il y a John Williams qui commençait à composer. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, Spielberg, il tournait. Il faisait des petits montages rapides, il envoyait aux effets spéciaux, à John Williams, à toute la post-prod, c'est en fait. Fou. Et donc tout avançait comme ça en même temps, parce qu'en fait, les studios avaient dit juin 2005, ça sort, quoi. Et du coup, ils ont tracé, ça a été hyper vite, et du coup, ils avaient beaucoup, beaucoup travaillé en amont sur comment ça allait se faire. Et c'est pour ça qu'en fait, les effets spéciaux, c'est pas que des effets spéciaux, il y a beaucoup de maquettes. Il y a des mélanges entre décors réels, décors construits, maquettes... et incrustation. Et donc c'est un gros défi technique et d'arriver à sortir un blockbuster comme ça, enfin hyper ambitieux, avec deux mois et quelques de tournage et une post-prod presque aussi courte, c'est assez affolant quoi. Ouais. Ah, je trouve que les décors ça marche bien moi. Ouais. J'aime bien, ça atténue la route plus ou moins, sauf une ou deux scènes, mais ça va quoi. Ça ajoute encore un côté artisanal. Oui, mais l'avion, tu vois, ils ont vraiment acheté un Boeing, ils l'ont pété, ils l'ont foutu. Sérieux ? Ah ouais, c'est un vrai décor l'avion. Il y a pas d'incrustation. Wow. C'est assez barbant. Bah, ça se voit, ça c'est. Ouais, c'est un peu impressionnant la scène où il sort. Le bateau, ils avaient une maquette du bateau pour faire les. Ils avaient un gros décor bateau et puis une maquette aussi pour faire les mouvements plus larges. Enfin, c'est assez impressionnant comme truc. Trop bien. Ouais. D'autres anecdotes ? Est-ce que j'en ai d'autres, des anecdotes ? Oui, j'en ai une, parce que Steven Spielberg, c'est un petit marrant. Et quand t'es à la scène où tout le monde tombe dans la flotte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a diffusé la musique des Dents de la Mer pour faire une blague. Non ! Ça, c'est les anecdotes Hollywood, on sait jamais trop, mais je me dis, c'est quand même un peu abusé. Il devait faire super froid en plus. Horrible. Bon, petite ambiance comme ça. Et j'en avais une autre qui était rigolote, non, je sais plus. Même pas. Si. Dakota Fanning, donc la jeune Rachel, et MTV avait fait un vote et l'avait nommée la chose la plus inutile à emmener en apocalypse. Oh, ce qui est abusé. Méchant. C'est dur, hein. C'est très méchant. Parce c'est qu'elle horrible. Est super bonne. Elle est très, très forte. Elle est trop forte. Tout le monde joue super bien, c'est abusé. Vraiment. Oui. Tout est très très juste. Ah, c'est trop. C'est en plus, méchant. La chose. Mais elle a pris cher. Hein, ah, c'est horrible. Elle a pris cher parce à l'époque. À cause de ça. À cause de son personnage, en fait, qui crie tout le temps. En plus, mais elle crie hyper bien. Non, mais du ça coup, va super bien. En plus. Tout le temps. Mais je me rappelle au ciné, ça, je m'en suis rappelé au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est vrai, quoi. Ça m'agaçait, quoi. Son perso m'agaçait parce qu'elle criait tout le temps. Dès qu'il se passait un truc, ça crie. Et vraiment, quoi. Mais elle a 6 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui. C'est normal. Mais c'est normal, quoi. Ah, c'est horrible. Et puis il y a ah, ce truc où lui, en plus, il doit la protéger tout le temps, il l'empêche de regarder tout ça. Donc tu t'imagines que toi, en tant que spectateur, t'as pas toutes les infos. Tom Cruise, il a encore moins d'infos. Et elle a quasiment pas d'infos, quoi. Elle voit cadavres. Elle voit que c'est la panique. Elle voit les tripodes, elle le voit tard, finalement, dans le film. Et donc forcément, c'est quoi qu'il y a à chaque fois, elle, c'est toujours la dernière à découvrir les trucs. Donc forcément, mais elle est hyper forte. Mais elle est hyper forte, ouais. Ça me rappelle un détail que je voulais dire quand même, c'est le plaisir de voir des enfants jouer dans les films de Spielberg. Vraiment. Oui. J'y ai pensé il n'y a pas longtemps, en matin, un autre truc, là, Obi-Wan Kenobi, ce qui est sorti. il y a une enfant dedans qui joue. Depuis le début, je me disais, c'est bizarre quand même, il y a un truc, ça ne marche pas beaucoup. Quoi. Et je me suis rappelé que quand je vois des enfants de cet âge-là jouer et que je trouve que ça défonce, ben, c'est souvent parce que Spielberg, il arrive à, ouais, à leur faire faire des trucs de dingue. Quoi. Ouais. Et ça, c'est beaucoup trop bien. Quoi. Cette fille, à ce moment, enfin, dans ce film-là, ouais, elle joue beaucoup trop bien. Quoi. C'est clair. Ouais. Mm. Et alors après, le truc aussi moi, que je trouvais hyper chouette, c'était du coup le boulot de Kaminski sur la photo. Notamment. Ah bah après, tu as toute l'équipe technique, ils ont quand même fait le son, tout ça. Enfin, y a des trucs énormissimes. Mais le boulot de Kaminski, c'est rigolo parce que tu vois ce qu'il a déjà testé sur Minority Report. Tu vois, il joue pareil sur les contrastes hyper larges avec les blancs qui explosent. Et là, je trouve que c'est très drôle. C'est les couleurs. Il y a des trucs de. Avec les aliens, du coup, t'as des violets hyper beaux. Et des roses hyper clinquants, hyper beaux. Et en fait, il arrive en mélangeant tout ça, rendre ça glauque. Alors que c'est des couleurs, si tu les prends séparément, tu te dis « Ah, c'est hyper classe, voire c'est complètement fou. » Et en fait, ça te met, en mettant des couleurs aussi chaudes et joyeuses, il te fait un truc hyper glauque. Et je trouve ça génial parce que ça, le côté SF est intéressant, tu vois, de ne pas, pas se dire « On va faire du vert trash, comme tout simplement. » Attention, hein, ne trash pas sur les verres. Non, mais tu vois, le truc peu facile, tu te dis « Invasion d'Alien, on va mettre du vert glauque, un peu caca. » Et là, ils ont testé d'autres trucs. Et ça m'a fait penser des fois au travail de Caro, tu vois, de le Jeunet Caro. Tu vois, il y avait des trucs comme ça. Il y avait des scènes où tu fais « Ah ouais, quand même, c'était sur une limite de trucs très graphiques qui sont assez originales, je trouvais. Alors, ça va pas aussi loin que l'univers de Caro quand il fait ces trucs complètement fous, mais il y a des tentatives de choses comme ça assez intéressantes dans les cadrages et tout, je trouve. Ça va. J'ai envie de dire ça. Bravo, pour une fois qu'on a une photo un peu intéressante. Ah ben, attends, la dernière fois, c'était Minority Report. Hein. C'est vrai. C'est un peu la... C'est quand même un peu la même photo que c'est un peu le même style. C'est une période. Genre... On dirait qu'il a sa période. Mais il trouve des il arrive à la faire évoluer en fait un peu et ça vieillit quand même pas mal quoi. Parce que là il est encore plus dans le côté VHS un grain. Il y a beaucoup de grains. Il essaie de jouer avec le côté aussi chaîne télé en continu un peu. C'est ce truc là. C'est assez intéressant je trouve. Ouais super. Ouais. Bon. Et bon, là, un détail, moi j'avais pas vu l'original, mais donc du coup, les deux parents à la fin, c'est le petit clin d'œil dans les anecdotes, c'est que c'est les deux acteurs du premier La Guerre des Mondes. La première adaptation. Ouais, voilà. Qui font une grands-parents. Les deux vieux là, les grands-parents. Ouais, mais je me demandais parce que t'es là, mais quand qu'est-ce qu'ils foutent là. Quand même, on te les montre là, bien, en plus, c'est vraiment, ils sortent, hein, ils ne disent rien, mais, non, mais ils se regardent en mode. Voilà, c'était le petit. Ah, ok. Et allez, tant qu'on est dans les anecdotes, j'en ai encore deux. Vas-y. Miranda Otto, qui fait la mère de, enfin l'ex-femme de Tom Cruise. Marianne. Elle était enceinte, pour de vrai. Et du coup, Spielberg, elle lui dit « Ouais, je suis emmerdé parce que du coup, je suis enceinte. » Donc, il dit « Non, mais c'est pas grave, on va changer le rôle, bouge pas. » Parce qu'il avait vraiment envie qu'elle joue et trop bien. Content. Donc, elle a dit « Bah, c'est génial, allons-y. » Et magnifique. Quiz. Allez, petit quiz. Comment ils ont fait le son des aliens? Oh non, les bœufs. Allez, avec quoi ils l'ont fait? Baleine mixée avec de la cornemuse. Ah, pas mal. Non. Romaric, t'as une idée? Oh non, j'ai pas d'idée, je suis deg. En fait, c'est hyper simple, c'est juste du didgeridoo. Ah, du didgeridoo. Ah, j'étais sur la déception ultime quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, comment ils l'ont fait? Un didgeridoo. Mais c'est trop bien, enfin un peu de dignité au didgeridoo. Oui, mais du coup c'est naze, c'est juste ça, un didgeridoo, c'est pas genre on a pris une vache ou un truc. Enfin, voilà. Souvent c'est rigolo les trucs de... Là c'était une didgeridoo, j'étais trop dingue. Bref. Mais du coup, est-ce que ça vaut un Oscar? Et je sais pas. Eh ben on va voir alors. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu des Oscars pour ce film? Pour ces films? Ouais. Non, jamais. De la vie. Non, jamais. Non. Il y a eu 3 nominations quand même, hein, pour les effets spéciaux, le son et le montage son. C'est déjà pas mal. Ils ont tous perdu contre King Kong, je crois. Je crois que c'était la même King Kong. Ah oui, c'est vrai. Quand même, il était lourd, King Kong. Ouais, King Kong, ça faisait... Et puis c'était un peu battle entre... Meta Workshop. La boîte de Peter Jackson et la boîte ILM, la boîte de Spielberg, quoi. Ah, d'accord. Dans le niveau des effets spéciaux, c'était un peu les deux grosses boîtes et Battle. Et en fait, c'est encore Peter Jackson qui a gagné. Le mec, il sort. Il gagne. De toute façon, début des années 2000, c'est tout pour lui. Entre le Seigneur des Anneaux et tout, là, c'est. D'accord. Bref. Donc, mais il y a d'autres gens dans ce film. qui ont des Oscars, forcément. Bah, Spielberg. Voilà, Spielberg, ça on le savait. Bon, là, il va y avoir des gens qu'on a déjà dit il n'y a pas si longtemps. Spielberg. Bah, ouais. La photo, il a la eu photo, Kamins. Ouais. Ouais. Tim Robbins. Ah oui. Ouais. On avec oublie quoi tout le temps qu'avec Mystic oui River, il a eu un Oscar. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il a eu un César, mais pas pour Mystic River. Non. Non, c'était un Oscar. Il a eu un Oscar pour Mystic River, il avait l'Oscar du second rôle. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Donc, on a Spielberg, Robbins, Kalinski. Il y en a deux autres, trois autres. Voilà. Ouais, il y en a un, franchement. Dakota Fanning. Non, Dakota Fanning, c'est MTV qui a dit qu'elle servait à rien. Ouais. Donc, non, mais donc, après, elle a eu de. Non, l'arbre. Ben non. C'est alors, qui, ouais, non, mais il y en a un, à chaque fois, on l'oublie. Alors ah, que... mais bah, la musique. Oui, bah oui, John Williams, quand même. Ah oui. C'est le mec qui a inventé l'Oscar de la musique. Et après, oui, alors j'ai noté deux autres. J'ai noté Michael Caine, qui doit être monteur, si je ne dis pas de bêtises, et Rick Carter, qui est à la direction artistique. Ah. Bon. Qui était le directeur un des directeurs artistiques d'Avatar, notamment. Ah, Trop bien. Ah. Spielberg, Cameron. Ouais. Les sous-sous. Et... Les sous-sous, ah ouais. Il a coûté cher. Il a coûté combien ? 5 millions. 100 millions ? Un peu plus même. 116 millions. Eh non, 132 millions. Ah ouais. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Wow. À titre de comparatif, Top Gun Maverick, on est à 150 millions de prod. Ah waouh. Wow, c'est 20 ans plus tard quasiment, mais bon. Et ça a rapporté des sous, ou pas ? Est-ce que tu l'as vu en Italie ? Oui. Bah, je pense que oui, parce qu'il était sorti. Moi, je n'ai pas vu. Mais il était sorti en Italie, c'était les blockbusters d'été quand même. Oui, non, mais c'est ça, c'est un blockbuster d'été. Donc, 300 millions. Plus. Si seulement. Alors ? Plus. Romaric, combien ? Combien là, il a un doute. Wow. J'ai un doute, parce que j'ai vu des chiffres, mais non, en fait. Mais du coup, je pensais que c'était 165 millions, un truc qu'il avait rapporté. Ah non, c'est pas beaucoup, ça. Ça fait ouais, c'est pas dalle. Beaucoup. Mais 400 millions Ah non, 600 millions Ah, j'ai peut-être placé le 6 au mauvais endroit. Ouais, c'est ça, je pense que t'as commencé par la fin. Et ouais, non, 600 millions pour carton. Ah ouais, c'est carton. Énorme. Et oui. En plus, tu rajoutes Spielberg plus Tom Cruise. Ouais. Et du coup, c'est aussi quand même un film avec un record détenu par Tom Cruise. C'est le plus gros cachet de l'histoire du cinéma. Ah ouais, caché pur, hein, parce qu'après il y en a qui ont gagné plus, notamment Keanu Reeves, parce qu'avec des intéressements, mais le cachet de Tom Cruise, ce qu'il n'aura plus jamais, que plus personne n'aura, parce que c'est complètement indécent. C'est combien ? 100 millions de dollars. Wow. C'est énorme. Donc tout le reste, ils 132. Ont... non, les 32 millions pour les films et 100 millions pour Tom Cruise. Ben, en tout cas, c'était le truc. Moi, ce que j'avais lu, c'est que Tom Cruise, il avait touché 100 millions, pas avec des intéressements et tout ça, quoi. 100 millions le cachet. Ce qui est complètement fou. Alors après, est-ce que le film, le budget, c'est 132 millions sans le cachet de Tom Cruise ? Parce c'est que honteux. Quand même, c'est honteux. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi, 100 millions. Je crois qu'il n'y a que Keanu Reeves avec Matrix qui a fait plus, mais parce qu'il avait les intéressements, du coup, ça montait au-dessus. Quoi. C'est honteux quand même. Mais... Oui. Mais... Ah bah après, il avait un petit. Keanu Reeves, c'était un petit cachet qu'il avait eu. Enfin, un petit cachet. Ah, c'est pas un 20 balles, quoi. Ouais, non, mais je veux dire qu'il quelqu'un. Gagne plus de 5 millions en moins de 2 ans, même dans une vie. 72 en fait, jours de tournage. Complètement, c'est complètement indécent. Après, bon. En même temps, c'est parce que tu as Tom Cruise que tu t'en fais 600 millions. C'est oui, toujours le problème. Bien sûr, bien sûr. Si tu n'avais pas Tom Cruise à la place, tu n'aurais peut-être pas fait 600 millions. Bien sûr. Il y avait. Bon, super. Parenthèse brève, parce que sur la partie anecdote, j'avais oublié ça. Mais Cameron, ça m'a fait penser à ça, Cameron et Spielberg. Donc Cameron a fait une petite série sur AMC, je crois, et où il invite Spielberg, et Spielberg parle de ce film-là, et quand même, Spielberg lui-même reconnaît, donc je ne sais pas combien d'années plus tard, que la fin, même lui, il trouve vraiment qu'elle est nulle. Dommage. Voilà. Et il dit vraiment, c'est pas possible. Et Cameron qui dit, bon, en même temps, je ne pense pas que l'auteur du livre t'en aurait trop voulu, puisque lui, il a choisi de finir avec un rhume. Oui. Ah ouais. Ça marrant quand même. Pas mal. D'ailleurs, le petit au début et à la fin du film, je crois, on voit les petites cellules, justement les petites bactéries. Moi, j'ai trouvé que ça s'appelle un paramecium. Bon, ah ben info, voilà. Moi, j'ai dit des fils bizarres avec des bactéries, voilà, mais en fait, pas c'est une dit. Petite bactérie qui s'appelle le paramecium. Si tu veux le sortir paramecium. En société, ça peut toujours servir. Très bien. Tom Cruise, qui n'est pas une bactérie. Non. Alors... Transition ratée. Allez. Qu'est-ce qu'on en a dit de Tom Cruise ? On a dit qu'il jouait très très bien. Ouais. Et surtout, oui, c'est bien. Et c'est un personnage qu'il a jamais eu comme ça, où c'est clairement affiché dès le début, c'est un connard. Oui, c'est un petit vachement. Connard, et aussi, il n'a pas trop envie de batailler. Ouais. Ça, c'est bien aussi, ça lui fait du bien. Mais il se bat pour ne pas batailler. Ouais, c'est ça. Oui, oui, mais pas tant, en fait. Non, mais qu'il soit dans cette action de fuite. Ouais. Et que ces moments de bah, c'est pas de la bravoure, mais c'est juste du réflexe presque. À chaque fois qu'il doit sauver quelque chose, c'est un réflexe, mais en fait, il est dépassé par beaucoup de choses, et puis il fuit. Et puis, c'est pas un mec bien, en fait. Non, ouais, c'est clair, c'est bien. Ouais, il est ni bien... Enfin, ouais, voilà, ouais. Il a rien de mieux que tout le monde, en fait. Hein, il est pas louable, tu dis pas, voilà, ah, waouh, les pères idéales. Ah, ouais. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, dans un blockbuster, souvent, ces personnages-là, ça doit être un héros un peu irréprochable ou au moins qu'il arrive à cette stature-là. Et en fait, il n'y arrive pas tant que ça, quoi. Il arrive au bout, on va dire, il est en paix parce qu'il se réconcilie avec son fils et qu'il a amené ses enfants au bout. Mais il n'en ressort pas grandi comme un héros de blockbuster classique, quoi. C'est juste qu'il a réussi à survivre. Et c'est déjà pas mal, mais bon. Sa vie ne change pas d'un iota à la fin du film. Hein. Et on te le montre vraiment. Ouais. Quoi. Tu vois, il s'entend bien avec son fils. Et encore, et, bon. Et voilà. Bon, voilà, chemin de retour pour aller à la maison. Quoi. C'est ça, t'as pas la voiture. Hein. T'es merde de toi parce qu'on t'invite pas à la maison. Ouais, ça fait un peu ça. Ouais, ça aurait été drôle, dernière image. C'est allez, ciao. Tu lui jettes un vieux sandwich. Il referme la porte. Merci à moi. Et t'entends dans la musique, il démarre. Ouais, et Tom Cruise dehors qui joue avec des cailloux. Ah ouais. Ah là là. Le pauvre. Bon, après, moi, je trouve qu'il tient bien, quand même, les films sur un truc que, des fois, en réalité, il n'y a rien. Hmm? C'est que des soupçons ou des choses... la gamine aussi est bonne, du coup. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, elle soutient vraiment ce truc de l'horreur face au rien. Et c'est vraiment chouette à voir. Tim Robbins, c'est très bon aussi. Oui, Tim Robbins, c'est le mec trop louche, trop Et c'est là que c'est hyper agréable quand t'as un casting comme ça aussi homogène où tout le monde est vraiment au max. Quand on dit que Tom Cruise est super bon, mais tout le monde est bien au max, bien dirigé, et du coup, c'est hyper agréable. Du coup, personne n'est nommé aux Oscars alors que tout le monde est vraiment au top de la partition qu'il faut jouer. Quoi. Ouais. Mais je sais pas qui a gagné, par exemple, si cette à ce année-là. Moment-là, tu vois. Alors là. Mais bon, je regarde, je suis curieux. 2000, les Oscars de 2005, c'était quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Bon. Ah, écoutez, si vous nous enverrez des messages sur Twitter pour nous dire. Oui. Le moment où Tom Cruise va tuer, où il décide avec lui-même d'aller tuer Tim Robbins, c'est ce moment-là, vraiment, le plan sur Tom Cruise, est, je trouve vraiment trop bien. Quoi. Oui. Dans ses yeux-là, c'est. On a un gros plan sur les c'est yeux. C'est noir, quoi. Ouais. Il est perdu, c'est fort. Et puis, tu sens que c'est une solution, mais même lui, c'est pas si c'est vraiment ça la solution ou pas. Et que de toute façon, il est traumatisé derrière. Et que juste parce que c'est sa fille, il est obligé de reprendre, mais il est quand même en panique. Ouais. Alors qu'il vient de gros traumas, quand même. Mm. Ouais, pas tous les jours qu'on tue un mec dans une cave. Le mec qui t'a invité, qui ne peut pas payer le loyer en plus. Qui était plutôt gentil. Ouais, qui était en train de vriller parce qu'il voulait faire un tunnel pour rejoindre le métro de Boston. Parce que, a priori, ça pouvait prendre un peu de temps. Hein. New York. Ouais, mais bon, tu regardes dans La Grande Évasion, ils sont moins loin et ils mettent quelques mois. Ouais. Alors, vous avez d'autres trucs à dire sur Tom Cruise? Non, ou pas, je pense que. Bah, ça va. Non. Ouais. Bon, c'est bien, on s'en garde de le côté, parce que j'aurais une petite question pour vous. Mais d'abord, nous allons nous faire un petit cruisomètre. C'est l'heure du cruisomètre. Eh oui, le cruisomètre. Cette note de 0 à 100. Je commence à détester ça. Pour placer le film, notre ressenti, ça dans l'héritage Tom Cruise, qu'est-ce que ça vous dit? Aïe. Alors, vous avez préparé ou pas? Ouais, de ouf. Ben vas-y, Mike. Parce que vous voulez que je vous donne vos notes de la dernière fois, comme c'est ça, mon chien ça vous qui les a mangés. C'est ton. T'as un oui, dis-moi, parce qu'on a mis sur Minority Report. Alors, je vous donne Minority Report parce que c'est un peu dans le même truc. Alors, Minority Report, Serena, t'avais mis 50%, Romaric 70%, et moi j'avais mis 84%. Ah ouais, j'étais 50%. Ouais, t'as fait chuter Minority Report seulement, et on t'en veut pour ça. Mais c'est pas grave. Mais je sais pourquoi. C'est pourquoi. Alors. Qui se lance? Parce que là, on a déjà, on va finir à 1h40 de podcast. Ouais. Vas-y, alors, moi, je me dis deux trucs. Je me dis, ces films-là, c'est un gros blockbuster machin truc, mais la conférence de presse qu'il fait derrière, c'est la cata. C'est la fin de sa carrière, presque. La relation avec Spielberg, c'est foutu. C'est fini. Donc, c'est pas un film que j'ai envie, même si les films, je l'aime bien, tu vois, mais j'ai pas envie de lui donner beaucoup parce que je pense que ça a fait vraiment shooter un truc. Ouais. Alors, est-ce qu'il aurait fait la même chose sur Mission Impossible 3 s'il avait fait à ce moment? Je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est les doutes. Mais ça me saoule qu'avec Spielberg, par exemple, il ne se parle plus. S'il avait retardé de 5 ans, ça aurait été vachement mieux, peut-être. Donc, je ne peux pas donner beaucoup. Alors, juste pour rappel, tu avais notamment un de tes arguments pour Eyes Wide Shut. C'était que c'était la fin du couple. Nicole Kidman Cruise, et que pour toi, ça avait fait monter la note. Attention. Monter. Ouais, en tout cas, tu avais dit, avec ça en plus, ça le pose très très haut, du coup, comme film, comme dans l'importance. Alors que c'est un événement négatif pour Tom Cruise, mais dans son héritage, c'est un marqueur. Oui, pour moi, ça pas t'influencer, mais non, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, ça faisait partie de quand je me suis dit, il n'y a pas que le film, mais effectivement, il y a ça autour. Il y a le truc avec le canapé, Oprah Winfrey, tout ça. Et puis cette chute, parce que c'est vraiment là, il y a un gros souci à ce moment-là dans les années 2000. Ouais, Scientology plus plus. Et ça se passe vraiment là. Donc, pas forcément exactement à cause du film, mais tout ce qui est autour quand même. Disons que ça devient important pour ça. Ouais. Mais ce qui vient après, c'est pas très joli à voir, tu vois ce que je veux dire. Alors que ce qui vient après, Eyes Wide Shut. Pourquoi pas? Oui. Je sais pas, là c'est vraiment trashos quand même. Ouais, je mais tu vois, s'il se sépare pas de Nicole Kidman, il rencontre jamais Katie Holmes, ça part pas en cacahuète, je sais pas. Oui, c'est vrai. Et il sort de la scientologie normalement s'il reste avec Kidman, mais bon. Et ouais. Oh là là. Ah là, c'est dur, alors je sais pas. Bah, du coup, 50%. Allez, Serena nous met des 50 partout. Tout le temps, mais là, je sais plus. En plus, j'ai plus d'esprit critique. Je sais plus quoi faire. C'est horrible. Romaric. Trop des notes. Le Crusometer, c'est par rapport à la suite de sa carrière, c'est sur l'influence de ce film, un peu sur la suite. Il y a sa performance dans le film, l'importance de ce film, la suite de sa carrière, c'est un peu un tout. Le ressenti personnel aussi, ça reste quand même subjectif. Mais... Bah, de toute façon, tout sera subjectif là. Oui. La performance dans le film, j'aurais envie de mettre 90, mais sur la suite de sa carrière. J'ai l'impression que c'est quand même un peu ce film, c'est un peu un ovni quoi, et que justement si après il y a Mission Impossible 3, si après il y a plein d'autres films, je sais pas, tous les films d'après, on revoit pas un personnage comme ça. Mm. Il travaille plus avec Spielberg. Aïe, aïe, aïe. Du coup à cause de ça, moi je reviendrai plus. Donc pas merci. Du coup, voilà, ça va 20%, quoi. Mais grâce à ce film-là, tu es là. Tu vois. Ouais, c'est ça, le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est horrible. C'est pour ça que Serena a fini par mettre 50% quand elle ne sait pas quoi faire, mais 50. Ouais, c'est un dilemme, c'est horrible. C'est dur, mais je vais faire comme Serena. Oh là là. C'est vrai? Ouais. Tu étais parti à 90, ouais, je pensais mais j'ai pas chuté pourquoi j'aurais mis 90. Chute à l'arrière du peloton. Mais il y a tout le reste, 50%. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Eh bien, moi, je m'étais donné une fourchette parce que maintenant je me mets des fourchettes. Ah ouais, ça peut pas aller plus bas que 65%, ça peut pas aller plus haut que 97%. Waouh! Wow. Parce que c'est quand même un grand film, mine de rien. Grand blockbuster, une grande manière de faire le truc. C'est un des rôles, je trouve, où il est plus juste, où il joue vraiment très très très bien. C'est un gros marqueur dans sa carrière parce que là, c'est quand même le gros coup de hache en plein milieu, quoi. Là, il est au top du top parce que là, 2005, vraiment, quand ça sort, il est au top du top. Bah, 5 millions, les cachés, quand même. 5 millions cachés. Donc, c'est vraiment un autre, tu vois, Eyes Wide Shut, il y a genre Top Gun, ça sort, enfin, il y a Risky Business, puis Top Gun, ça explose. Il y a Eyes Wide Shut, il y a une première bascule. Ouais. Et là, c'est vraiment une bascule vers la partie la plus dark de son truc, avant qu'il revienne en grâce. Il n'y a pas plus de dark qu'une semaine. Il y a une semaine. On l'a assisté. Du coup, pour moi, ce moment-là, c'est... Alors, il y a le film, mais il y a l'interview du canapé, enfin, il y a tout ça. Ouais. C'est vraiment là. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne pouvais pas le mettre trop, trop bas. Pour moi, il y a vraiment un truc. Et que je trouve le film, en plus, très, très bon. Et que c'est dans son héritage, je trouve que c'est un film qui est hyper important de pointer, quoi. Ne serait-ce que pour le personnage, son interprétation et le truc avec Spielberg. Du coup, je crois que j'avais mis 82. Mais très bien. Comme ça, tu le remontes. Ah, oui. Mais je suis là que pour ça, moi, en ce moment. Remonter les films, parce que, dis donc... Ah, mais ça, les fourchettes, toi, tu es rationnel. Moi, je panique, tu vois. Ouais, je comprends. Et alors, pour info, Rotten Tomatoes, 75%. avec des bonnes critiques, pas mais mal. Souvent, à chaque fois, ce qui pêche, c'est la fin. Toutes les critiques disent c'est bien, mais la fin est pas bien. Ah, la fin. Bon, bah, voilà. Bon, voilà. Même Spielberg l'a dit. Donc, ouais, voilà. Et Allociné, 3,3 étoiles. Ça, c'est pour nous. Bon, c'est le milieu. Ouais. Pouf, pouf. Mais du coup, comme on a bien dépassé le temps, on va encore en prendre un peu. J'ai une question à vous poser. Vas-y. Du coup, pour poser cette question, je vais remettre dans le contexte. J'ai vu une anecdote. Je sais pas ce que ça vaut. Mais dans donc, les dark web, dans le dark web, tout ça machin. En gros, il y a eu l'interview chez Oprah Winfrey où Tom Cruise pète un câble, où c'est la folie dans tous les sens. Il monte sur le canapé, il fait venir Katie Holmes, et là ça part complètement en live. Spielberg lui en veut à partir de ce moment-là parce qu'en gros il a niqué la promo de tout le film, donc il veut plus bosser avec lui. En plus que on se rend compte qu'il est méga scientologue et qu'en fait il est fou. Parce qu'il parle pas du film, il parle que de Katie Holmes, il saute, il tape partout, machin, etc. Mais j'ai lu un truc. Comme quoi, a priori, à la base, ça devait être Tom Cruise et Steven Spielberg qui allaient à l'interview. Ah. Mais Steven Spielberg devait finir le montage du film, parce qu'il allait sortir quelques mois après et que c'était pas fini. Donc okay. Il a envoyé, et donc Tom Cruise y a été tout seul. Donc ma question, vas-y. C'est, et si Spielberg était venu avec Tom Cruise, est-ce que ça aurait pas évité la catastrophe? Mais grave. Et que du coup, Spielberg et Tom Cruise, qui en deux films ont déjà quand même posé énormément de choses sur comment on fait un blockbuster, est-ce qu'ils auraient pas continué? Et par ricochet, Hollywood aurait continué de faire des blockbusters super, on n'aurait pas eu des creux et on n'aurait pas eu Marvel, on n'aurait pas eu tout ça, parce qu'en fait, les mecs, ils avaient déjà en deux films, ils avaient quasiment tout posé ce qu'il fallait faire pour les blockbusters. Ah. Et en fait, ils auraient continué, et à là, c'était réglé, et en fait, Tom Cruise n'aurait pas eu ce creux, Spielberg aurait continué de faire des blockbusters, etc. Là, c'est genre, est-ce que c'était envisageable, enfin, c'est quand tu projettes, est-ce que la sliding doors, c'est l'univers parallèle, mais non, mais vraiment, tu te dis, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est un moment où il y a plein de choses qui changent, du coup. Ouais, je comprends. Et ça m'a encore plus fait repenser à ça maintenant qu'on discutait un peu de Top Gun Maverick et qu'il y a un retour en grâce de Tom Cruise parce que c'est l'artisan du film, quoi. Oui, l'artisan oui. du cinéma, et tout le monde se dit, mais en fait, on aime ça. On aime films, les cinémas. Les films faits à la main et tout, on aime ça. Et que ça fait partie, enfin, ça fait partie des vestiges, on va dire, du cinéma fait à la main, quoi. Ouais. Donc, est-ce que. C'est très technique. Ah oui, oui. Alors, bah, je vais répondre. Pour moi, je sais pas s'il y a vraiment une réponse. Hein. C'était juste. Moi, non, m'a... parce que j'ai un contre. Je pense que je vais rebondir bon, sur un contre truc. Je me dis, oui, c'est sûr que si Spielberg était là, ça aurait été un entretien beaucoup plus serré, tenu. Oui. Et sûrement moins Tom Cruise psycho. Et ça lui aurait fait du bien. Mm. Mais probablement que la relation elle, se serait un peu gâchée par Scientology, par d'autres entretiens qu'il a eu par ailleurs où Spielberg aurait pas été là. Mais oui, pour toi, la Scientologie, quoi qu'il arrive, ce serait sorti à un moment. Bah oui, parce qu'il y a eu plein d'autres entretiens à ce moment où lui, il condamne les psychanalystes, où il a un peu, il a attaqué Onana parce qu'elle prenait des antidépresseurs post-partum. Bon, bref. Oui, ça serait, pour toi, ce serait sorti. C'était pas. Je pense que Spielberg aurait fait. Bon, mais moi, je pense. Comme quand je pense que Tom Cruise il va choper l'Oscar dans l'espace, je pense qu'il va refaire un film avec Spielberg. Ouh, qui vont finalement se dire... Qu'avec la vieillesse, tu vois, dans quelques temps, ils vont se rapprocher. Tom Cruise, maintenant, il devient ce nouveau homme. Là, il renaît. Là. Papy cinéma. Ouais. Et Spielberg est papy cinéma. Et je pense ce serait classe. Qu'il peut faire la paix, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça à Hollywood, la paix entre les trucs. Donc... Après l'espace et après qu'il aura son Oscar. Ah, oui, tu vois, pour toi, il va dans l'espace, il récupère il son Oscar. Oscar. Enfin, pas dans l'espace. Ou, mais en tout cas, il continue sa renommée en positif. Dans les entretiens, il sera de moins en moins. Ils vont vieillir et Spielberg, il voudra faire un dernier film. Et Spielberg aime le cinéma. Et il ne va pas faire ça pour Netflix, j'espère. Ouais. Il va appeler son ami Tom, tu vois. J'aime bien cette du coup et ils reprennent la main sur Hollywood et ils remettent tous les jeunes réalisateurs les rails. Ils leur mettent plein la gueule et du coup Tom Cruise il aura son rôle dès la fin un peu qui n'est pas juste Mission Impossible guy. Oui, c'est ça. Il aura son dernier film un peu fable Hollywood quoi. Avec un espèce de héros crépusculaire et on pourra dire il a fini avec sa grosse franchise Mission Impossible et en plus il a son dernier film d'auteur entre guillemets. C'est super classe. Ça pourrait être beau comme, comme parabole. Un arc de carrière absolument fou. Ça, ça serait génial. Complètement fou. À voir. Je valide. Merci. Bon, bah, voilà, réponse de... Très bien. Rien de plus, Romaric. Non, rien de plus, je pense. Ou si, peut-être. Non. Là, vraiment. Non, vraiment. C'est... Non, mais c'est vrai. Enfin, ta question était hyper orientée quand même. Je ne pouvais qu'être d'accord avec ce que tu proposais, surtout par rapport à la discussion qu'on avait eue. Ouais. Sur le côté artisanal, vraiment. Enfin, il y a ce délire artisanal, et là, il le met vraiment en avant. Surtout maintenant, là aussi, toujours. Et Spielberg, il a toujours eu ce délire-là, quoi, aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que si on rêve d'un monde meilleur pour les blockbusters, ben, ce serait pas mal. On aurait aimé qu'ils restent ensemble encore pendant au moins 3 films de plus, allez. Ouais. À la base, ils devaient en faire 3 ensemble. Ils s'étaient dit, quand ils se sont rencontrés, ils se sont dit, on en fait au moins 3 ensemble. Bon, ils ont vont faire les troisièmes, c'est sûr. Ah, ce serait classe. C'est sûr. Ah ouais. Quand il sera vieux, Tommy vieux, ils vont faire un truc des ouf. Génial. Voyage dans l'espace. Non, pas dans l'espace, dans le temps, un truc comme ça, science-fiction. Ah ouais. Chelou. Un truc de SF, tu crois qu'il referait SF ? Ouais. Ok. Ouais, ce serait le retour à la SF pour Spielberg. Bah qui fait oui, parce qu'il a besoin de revenir. C'est un peu à la mode en plus, ça pourrait trop passer quoi. Ouais. Ready Player One, il était. Ouais, mais je crois qu'il a jamais fait ce film. Jamais parler de ce film, c'est une catastrophe. Ah ouais, moi je veux bien. Je refuse de croire que Spielberg a fait ça. Je déteste ce film. Ah ouais, c'est une catastrophe sans nom. Je me rappelle plus. Ah, moi j'ai bien aimé justement. Moi aussi, je crois que j'avais bien aimé. Ouais. Bon, ben on n'en parlera pas. Oui, il est tard. En plus, là on commence à traîner, on traîne, et on n'a pas fait de recommandation. Alors. Les recommandations que vous n'avez pas préparées. Yes. Si, moi j'ai préparé, j'en ai même. Pareil. Allez, vas-y. Alors, moi j'hésite entre trois choses complètement différentes. La première, c'est Dunkerque, le film de Christopher Nolan. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a la même angoisse des gens qui attendent à la rive. Il y a les Allemands qui braquent, en tout cas les militaires. Américains qui doivent fuir de la France en Angleterre. Et en fait, c'est l'angoisse de monter sur les bateaux, qu'ils n'arrivent pas. Et en fait, c'est exactement le même sentiment d'angoisse, impuissance des foules, de la survie, comment tu vas y aller, comment ils s'éniquent les uns aux autres. C'est vraiment un truc qui m'a vachement marqué. Là, je l'ai un peu retrouvé au ferry. Je fais, ah non, comme ça. C'est assez chouette. Et peut-être les deux autres. Après, il y a la BD Mouse qui je pensais vachement à ça quand j'ai vu ça. Du personnage qui survit à l'Holocauste. Mais qui n'est pas un homme. Comment dire ? Qui n'est pas un héros. Oui. Et en fait, quand le BDaste. Art Spiegelman, il racontait pourquoi il a raconté l'histoire de son père. C'était parce qu'il voyait toujours dans les films américains, justement Spielberg et compagnie, toujours les héros qui se sauvent et toujours l'homme, tous les juifs, ils sont des hommes génialissimes et tout ça. Et il disait, mais mon père n'était pas un père si exceptionnel que ça, il était radin, machin, il a survécu. Et ça vaut le coup de raconter aussi cette histoire-là, tu vois, de l'homme pas extraordinaire qui survit. Et troisième. Juste pour rebondir, parce que j'avais pensé comme recommandation à un autre album de Art Spiegelman. Parce qu'il va publier très peu d'albums. Et en fait, le 11 septembre, ça l'a vraiment bloqué. Parce que lui, il l'a vécu en direct, quoi. Il était à New York. Et longtemps après, il a publié un album qui s'appelle, je crois, À l'ombre des deux tours. Ah! Qui est un album avec un format un peu bizarre, cartonné, enfin complètement chelou, sur des planches sur ça, sur le 11 septembre. Quoi. Ah, trop bien. Je ne sais pas s'il se trouve facilement, mais c'est assez intéressant. Et c'est le même auteur que Marc. Ah, ouais. Donc encore, ça part encore de traumatisme et tout ça. Quoi. Il est trop fort. Ta troisième recommandation, rapidou. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. 28 jours après ? Plus tard. Plus tard, en français. Et le truc des zombies, en Angleterre. Où je trouve ce qui est un film que j'adore et où je trouve que c'est super intéressant de voir comment il y a les ennemis extérieurs, donc les zombies, mais quelque part, les vrais méchants de l'histoire, c'est les êtres humains. Et j'aime bien ce côté-là que je trouve que dans le film de Spielberg, il y a un tout petit peu, mais ça manque péniblement. Ah, tu l'as avec la voiture, avec tout le monde. Avec les voitures, ça fait un peu scène de zombie quand même, ça, quand tout le monde se masse dessus. Et... Mais ils sont pas. Tu vois, il y aurait eu beaucoup pire. Ouais. S'il y avait vraiment ça, ça les laisse tomber, quoi. C'est pas. Là, ils s'entraident un peu beaucoup, tu vois, même l'armée, ils sont hyper gentils, hyper. Tout le monde est hyper gentil, alors que t'as une attaque et il faut survivre. Bon, bah, ouais, c'est vrai. Et qui est un super film aussi, que j'ai trop kiffé. Voilà, fin des recommandations. Ouais, tous les trois un peu chelous, mais... Ok, très bien. Ouais. Bon, bah, c'est hyper, parce que du coup, j'ai une seconde recommandation qui est arrivée suite à ça. Là. Cet épisode ne s'arrêtera jamais. Ouais. Bon, allez, moi, c'est le son des tripodes, justement, qui m'a fait penser à un autre film. Un album de Didgeridoo. C'est cool, ça. Un album de reggae, de... Non, voilà. Et... Non, en vrai, ça m'a fait penser à Premier Contact de Denis Villeneuve. Si, bien sûr. Voilà. Les gros cailloux du ciel. Oui, voilà, le côté tripode en plus aussi. Il y a une rencontre, il y a... Il y a plein de trucs sur le son aussi, mais ça fait un moment que je l'ai vu, du coup je sais plus trop, mais ça m'a fait penser à ça. Je crois qu'il y a des sons comme ça aussi dedans. Et c'est présence. Leur langue en fait, c'est des sons chelous, leur langue, et c'est des symboles. Ouais, qu'ils essaient de comprendre la langue. Et bien après, t'as les mêmes genres d'images, de gros trucs indéfinissables, de menaces qui pèsent, mais sans trop savoir. Voilà. Mais c'est une autre approche qui est, c'est vrai que c'est génialissime. C'est intéressant. Ouais. Et donc voilà pour celui-là, avec super compositeur au passage quand même. C'était Johan Johansson, je crois. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. C'était vraiment super compo et la musique du film est incroyable au passage. Et ensuite, le deuxième, c'est... là, ça m'y fait penser à l'instant, c'est Les Fils de l'Homme, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ou vraiment... Enfin, si je me rappelle bien, il y a un côté un peu de fuite aussi, je pense, et d'impossibilité un peu à échapper à quelque chose. Il y a de la résistance, et pareil, un film hyper bien, mais je me rappelle plus trop. C'est Les Fils de l'Homme, c'est le film de Cuaron où en fait c'est dans le futur et où plus aucun enfant ne naît. C'est ça. Il n'y a plus d'enfants, les femmes sont plus fertiles et du coup plus ça. Donc ça, en gros, t'es pas post-apocalyptique. Apocalyptique en cours, quoi. Et il y a une nana enceinte qui transporte. Et du coup, il y a une nana enceinte et il fuit pour la planquer, etc. Et c'est quasiment tout que des enchaînements de plans séquences qui sont complètement fous. C'est un film assez impressionnant, quoi. Qui n'a pas marché à la sortie, mais qui est hyper culte et qui est très, très, très bien. Voilà. Moi, je n'avais pas aimé à l'époque, tu vois. Ah non, revois-le parce que c'est vraiment assez fou. Ouais, je vais le revoir. Ah ouais, j'ai pris une baffe, moi. Avec Julianne Moore, Clive Owen et tout. Ah ouais, je très, très bien. Et toi, Pauline ? Et alors moi, je me rends compte en fait que j'ai une recommandation, mais que si je donne la recommandation, je me la spoil. En fait, qu'elle aurait avec le film, ça spoile un peu le truc. Ah, c'est horrible. Tu vois le piège. Ouais, mais du coup, je peux quand même la donner parce que c'est une bande dessinée américaine, on appellerait un comics, comme on dit, en temps normal. Et je crois pas qu'elle soit encore adaptée et traduite en France. Donc il y a un peu de temps, il y a le temps de l'oublier, tu vois. Mais genre, tu te notes dans un coin sur un post-it, t'écris, ça s'appelle The Nice House on the Lake. Donc la jolie maison sur le lac. Nice, voilà, tu notes ça, c'est de James Tignon, Alvaro Martinez Bueno et Jordi Belair. Tu notes ça sur ton petit truc, tu le mets, et quand un peu plus tard t'auras oublié, tu le liras, tu comprendras pourquoi on a parlé de ça. Le pitch horrible. De base, quand même, je le donne, parce que c'est assez rigolo, c'est qu'il y a une douzaine de personnes, je crois, qui se retrouvent invitées dans une magnifique villa au bord d'un lac, par un ami commun qui s'appelle Walter. Et tout le monde le connaît, ce Walter, de différentes... Il y en a qui le connaissent depuis très longtemps, d'autres pas longtemps, etc. Et ils sont tous dans cet endroit-là. Et il va se passer des choses un peu chelou, un peu surnaturel. Ouais. Et c'est un comics un peu d'horreur fantastique, qui est complètement fou, magnifique. Je vous conseille. Et ça rebondit. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Cool. Ah, ça me fait penser à une. C'est bon. un livre. On va jamais arrêter. J'avais vu une série, je crois que c'était adapté d'Agatha Christie. Et c'était un peu le délire invité par quelqu'un tout sur un endroit où il se passe un truc. Ça me fait penser à ça. Mais c'est assez rigolo. Ouais. Et ce personnage, du coup, de Walter est particulier, on l'apprend plus tard. Ah. Trop bien. Voilà. Allez. Trop bien, ça donne envie. Alors. On arrive enfin. Cet épisode est un petit peu long, mais il fallait qu'il soit un peu long, quand même. Dernier épisode avec Romaric. Peut-être. Oui, enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, on en est là. Du coup, dans 2 semaines, on va parler d'une mission qui sera toujours impossible. Ce sera même la 3e fois que c'est une mission impossible. J'ai même toussé. Ouais. Donc, ça va être moins surprenant, mais peut-être pas. On ne sait pas. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est @cruzometer, on est sur Twitter, Instagram, tout ça. Vous pouvez aller sur notre site cruisecontrol.card.co, card, C-A-D-R-D.co. Très bien. Il y a tous les épisodes, il y a leurs séries, il y a notamment les dernières séries qu'on a fait sur Top Gun Maverick et les best-of, enfin pas les best-of, mais les fins de saison, tout ça, machin. Saison. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? PodCloud. On est hébergé chez PodCloud, nos amis toulousains qui font du travail de qualité ouais. et qui ont un super gros catalogue de podcasts. Voilà. Et ben voilà. Je sais c'est pas, fini. Non, il n'y a rien de spécial à dire. Hein, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, parlez des nous si vous voulez bien. Quoi. Oui, c'est cool. parce qu'on a toujours cet objectif d'être dans le top 10 PodCloud une journée. C'est mort. Non, c'est mort, tu crois? Bon. Ça, c'est mort. Mais on va y arriver. Voilà. Et encore un grand merci à Romaric. Oui, merci à Romaric. Notre shortiste préféré. Le shortisme vaincra. Le shortisme vaincra. Un jour, on fera un épisode de shortisme. Ouais, ouais. Alors c'est pour expliquer un petit peu ce que c'est, ce problème-là. Et on vous dit à dans 2 semaines et des gros bisous. Bisous. Et il dit pas bisous celui-là. Bisous. Ouais, alors. C'est les tripodes.